CKRL. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. La Maison des femmes de Québec, les éditions Intervention, Maison de la famille de Québec, les jardins communautaires du Mont-des-Lilas. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Bonsoir tous les amateurs de bonne musique, vous êtes à l'antenne de CKRL 89.1 à Québec et c'est l'émission Terrain Incognita pour les deux prochaines heures. Vous êtes en compagnie de Jean-François et nous allons écouter une sélection de pièces progressives là, que j'ai choisies spécialement pour vous. Et il sera aussi question du dernier numéro du magazine Progressis, c'est-à-dire le numéro 101. On va en écouter des extraits, mais il y aura aussi des références à certains articles. Et pour débuter, nous avons un gros canon, c'est-à-dire le dernier album de Arion, qui se présente sous différentes versions, mais à la base, c'est un album doux, mais il existe aussi une version de luxe avec deux CD bonus, c'est-à-dire qu'un d'eux offre des versions instrumentales et l'autre est baptisé guide vocal. Il y a aussi une version 5.1 avec un son qui est incroyable. Et ce qui est particulier un petit peu aussi avec cet album-là, c'est qu'il se présente avec une bande dessinée, parce qu'au départ, on voulait en faire un film. Donc, Arjen Lucassen a voulu offrir un support visuel et qui se présente sous la forme d'une bande dessinée. Et c'est un album concept, encore une fois, mais ici, pas question d'heroic fantasy ou de science-fiction, puisque l'histoire se passe en Angleterre. En l'année 1884, il y a un personnage qui s'appelle Daniel qui est amoureux d'une servante. Et lors d'un incendie, Daniel meurt et la servante est accusée de l'avoir tué. Donc lui, il veut revenir pour rétablir les faits, mais ça se fait pas comme ça. Donc il faut qu'il passe par ce qu'on appelle un transitus, c'est-à-dire de revenir à la vie. Pas directement à la vie, disons, il va se présenter sous la forme d'un esprit. Ça fait penser un petit peu au film Ghost. Alors, on va en écouter tout de suite un extrait et on vous revient tout de suite après. The year is 1884. These are dark, troubled times, fraught with greed, envy, and prejudice. It's two worlds divided, rich and poor, black and white, master and servant, the living and, well, they're not quite dead. Oh, yes, that's right. The spirit world plays a large part in this story that you're about to hear. Allow me to present Abby and Daniel. A happy couple, obviously, head over heels and completely smitten with each other. Aren't they adorable? They could not know, of course, that their love was doomed even as it started, and that fate was about to deal them the cruelest hand imaginable. I feel I should warn you. This tale is not for the faint of heart. Things go dreadfully wrong for our young lovers. The terrible, horrific sequence of events that's about to unfold here will surely be too much for the tender-hearted. There. My duty to you is fulfilled. And you may now proceed. But at your own risk.

Continuez de vous laver les mains, de garder une distance de 2 mètres et de porter un masque lorsque la distanciation physique n'est pas possible. On doit réagir maintenant. Un message du gouvernement du Québec. Choisir ÉricLamirande.ca, c'est miser sur l'expertise de Éric Lamirande ainsi que sur son équipe de collaborateurs professionnels. On vous offre des services de consultation, accompagnement et formation dans les domaines suivants. Marketing web et réseaux sociaux, commerce électronique, virage numérique et outils technologiques d'affaires. Pour les travailleurs autonomes, les petites entreprises, les organismes et l'économie sociale. Notre but, vous aider à avancer et vous rendre plus autonome. Contactez-nous au 418 454 1019 ou à ericlamirande.ca. Nous avons terminé ce bloc avec le groupe italien qui s'appelle Ossiazione Alchimico Creative, ou plus simplement Oak, mais avec des points, ce qui permet de le distinguer avec le Oak norvégien qui est vraiment pas le même genre. C'est sur la dernière parution du groupe qui s'appelle Nine Witches Under the Walnut Tree, on a entendu, Dame Arvillier. Et donc, le texte est en français, comme vous avez pu le remarquer, même si il y a un certain accent et qu'on distingue, disons qu'on a affaire à quelqu'un qui est d'une autre langue. Et sur ce disque-là, comme d'habitude, il y a M. Jerry Cutillo est entouré de beaucoup de musiciens invités, dont David Jackson, je pense qu'il est peut-être le plus prestigieux parmi ceux-ci. Et juste avant, c'était Nectar, et on retrouve cet extrait-là sur le sampler numéro 101 du magazine Progressiste. Et ça vient de l'album The Other Side qui est paru dans les derniers mois. La pièce qu'on a entendue, c'est Drifting. Et je pense que c'est un beau retour en ce qui concerne Nectar. Parce que depuis un certain temps, il y avait des albums qui sont sortis qui étaient, je dirais, peut-être d'une qualité inférieure. Et comme c'est expliqué dans le magazine, Nectar aujourd'hui, il y a eu comme deux factions là, qui ont utilisé le nom Nectar. Mais dans cette version-là, on entend plus des musiciens qui ont fait partie de la formation classique. Juste avant, c'était Rion, extrait de Transitus, un très, très beau nouveau album avec deux disques. En fait, c'est un album double, mais pas d'une longueur excessive. Là. C'est deux disques d'à peu près 3/4 d'heure chacun. Donc, Transitus, et la pièce qu'on a entendue, c'est Fetum Horrificum, et c'est une des plus longues du disque, avec 10 minutes 23. Et on va poursuivre avec The Tangent, qui lui aussi, on peut pas parler de retour parce qu'il est toujours constant. Là. Il nous sort des albums assez régulièrement, des Tellison. Et celui-là s'appelle Auto-Reconnaissance. Et c'est très bien réussi, c'est très bien accueilli. On voit beaucoup de bonnes critiques. Et on entendra aussi le groupe Samurai of Prog, qui en réalité, c'est Kimo Porsti et Marco Bernard. C'est leur deuxième collaboration, mais on conserve quand même le nom de Samurai of Prog. Et cette fois-là, ça s'appelle La Tierra. On entendra Ancia des Sonars. I asked the concierge to help me find the best way to walk to the Statue of Liberty. She smiled and said politely, "That's too far," and gave me a number where I could call a car. So I thanked her politely, set off on my way to find the New York that's not on TV every day. I started with some inner city grime, lots of rusted barbed wire and corrugated iron, along freeways where I was the only soul, using Shanks' pony get towards that goal. I passed some bedraggled hippie across the solar hill. Peterbilts and Dodgers, cheap hotels, concrete bombards, seem you can keep your Empire State Building, 'cause this is more my scene. It may sound stupid, but I thought that the hotel we were staying at was in New York. In fact, it was on the other side of the bay. So heading south from there made a very different kind of day. The one I was planning was not the one I got. Advertising hoardings the size I've never seen. Letter from 40 years ago. Well, that's quite how it seems. For the Yorkshire kid in Jersey, this is the perfect dream. You can keep your Times Square tellies, 'cause this is more my scene. Was a cop. He had a gun and he scared the shit out of me. He asked me what a guy from England was doing here. When you're lost, you need to be on the other side of the bay. Well, of course, his accent was a lot better than that. Turned out to be a really nice guy. He said something about Interstate 9 and then looking a left somewhere up there near the intersection of two numbers like 49th or 51 or something. And said, what kind of band is it? And of course, explaining this to a British policeman is rather difficult, unless it's Brian Watson. But in this case, he liked Rush. I guess I was going to ask him how he knew I was in a band, but then I wondered, well, how did I know he was a cop? Apart from the fact that he was wearing a uniform and had a gun around the car. Well, everyone around here's got guns, he said in a change of accent. But if you stay on that sidewalk, kind of looking down at my Google Maps thing, thinking, God, I hope I can remember what he said. 4,000 traffic lights, 6 million over bridges, and a train that goes on for 6 years. There's aeroplanes landing at JFK and Newark, and everyone's got guns, but have no fear, stay on the right road, and you'll be okay. TJ Hooker showed you the way. Fairly sure he passes me about 15 times in the next half hour. And between the pulsing arteries, a church hangs on for grim death. I can't work out how people would ever get there. I'm walking through a Bruce Springsteen song now. Those tenements are here. The highways disappear. We'll be right back. Hey, I really like this painting, I thought to myself, looking down at this amazing piece of urban art on the pavement. And suddenly this voice goes, hey, man, you like it? And there's four guys sat on the steps of this building that looks alarmingly like the front cover of Physical Graffiti. And it's like somebody's playing tension music with a triangle going, ting, ting, ting, ting, and I'm fairly certain that my mum would have told me to come over from that side of the road and stay with her. Anyway, I said, yeah, it's a really nice picture, actually. Very impressed. To which, of course, I go, where are you from, man? Not from round here, that's for sure. So I go, no, I'm from England, actually. I'm doing my best Hugh Grant impersonation. So what are you doing round this side of the water? And of course, I don't realise I'm at any side of any water, but, you know, that's just the way it goes. So I said, well, I want to go and see the Statue of Liberty, but I want them to do it in a different way. I didn't want to just go to all the touristy areas. I wanted to see the real place. And after that, it's like, hey, man, you want some weed? This is really cool. And I spent a good 10 minutes having a nice chat with them and then decided to go to a library. It's not like I was looking for a library, it's just that one happened to appear in a place where I just didn't expect a library to be, so I just thought, I've got to go in, and I did. And it was full of people, and they were all doing library activities, reading things, going on computers. So I decided to read the New York Times, and I did. They had an article about Brexit in it. They thought we were completely off our tits. And I agreed with them. It was late in the afternoon when I reached the Liberty State Park. Pretty surprised to find no one there. The sunlight reflecting across the windows on the water, like some fabulous jewel box had been emptied over the rocks of the Hudson. Light played down. I caught my first glimpse. More than 200 tons of oxidized copper and a torch of flaming gold held aloft against the city's skyline. And the siren from the Staten Island ferry cuts across the bay in Ellis Island. And I realize I've sneaked up behind her, and she can't see me or give me my welcome. I went under her radar. I went behind her back. We'll be right back. sunset, and I'm still here, wandering till my feet drop off, with my head in such good cheer. I hear Sinatra call my name, and see Joni's album come to life across the bay. No giant anacondas, but today I got the point. Peterbilts and Dodges, cheap hotels, concrete bollards seem to fit in oh so well. For the Yorkshire kid in Jersey, this is the perfect dream. You can keep your Empire State Building, this is more my scene. Pueda ver Jamais la santé de tous est entre nos mains. Sur mon cellulaire, l'application Alerte COVID m'avise si j'ai été en contact avec une personne déclarée positive récemment. Du bout des doigts et dans le respect de ma vie privée, je peux protéger ma santé et celle de mes proches simplement en téléchargeant l'application Alerte COVID. Rendez-vous dès maintenant sur québec.ca/alerte-covid pour obtenir plus de renseignements sur l'application et apprendre comment la télécharger. Un message du gouvernement du Québec. Alerte rouge. La propagation de la COVID-19 est à un niveau critique dans votre région ou une région à proximité. Les rencontres d'amis ou de famille sont interdites et les déplacements vers d'autres régions sont non recommandés. Des mesures plus restrictives et ciblées ont été mises en place pour freiner la propagation et éviter un reconfinement. Informez-vous sur québec.ca/coronavirus. Continuez de vous laver les mains, de garder une distance de 2 mètres et de porter un masque lorsque la distanciation physique n'est pas possible. On doit réagir maintenant. Un message du gouvernement du Québec. C'était le Samouraï of Prague, celui de Kimo Porsti et de Marco Bernard sur leur deuxième collaboration, mais qui fonctionne quand même sous le nom de Samouraï of Prague, comme je l'ai dit tantôt. Et c'est nouveau, ça s'appelle La Tierra. On a entendu Ancia des Sofiards. Et juste avant, c'était un très bel extrait là, de Tangent, son nouvel album qui s'appelle Auto-reconnaissance. La pièce qu'on a entendue, c'est Jinx in Jersey. Et bien, pour poursuivre, on va faire une découverte, en tout cas pour moi, ça en était une, là, mais du magazine Progressiste numéro 101. Et c'est un autre extrait du CD Sampler. Et c'est un artiste britannique qui s'appelle Evan Carson. Et c'est qui ce monsieur-là? Ben, il a participé, entre autres, au projet I Am The Morning avec le musicien Gleb Kolyadin. Et donc, c'est pas tout à fait un inconnu. Et d'ailleurs, Kolyadin, ben, on le retrouve sur ce disque-là. Il vient prêter son piano, donc donner une chance à son collaborateur. Il y a aussi un musicien qui s'appelle Jim Gray et qu'on retrouve sur Caligula Horse. Je ne sais pas si vous connaissez ce groupe-là. Il me semble que j'avais déjà mis une pièce d'un album antérieur. Et on va poursuivre ensuite avec Le Gosse, un groupe italien. Je pense qu'on n'a plus besoin de présenter parce que leur musique est vraiment de qualité puis elle est jouée souvent à l'émission. Et ensuite, ce sera un extrait de Dissonant Mind du groupe Fatal Fusion. scorreva l'amianto e un velo amaranto copriva le spalle di un cervo. Lente le lanterne tra neni e litanie di pazzi galleggiavano sui rostri e arrossivano abbruttite dal volto indisponente.

Jeudi 22 octobre, le Festival Québec en toutes lettres présente un événement virtuel inédit. Ta mort à moi, la lecture spectacle de David Goudreau et ses complices comédiennes et musiciens. L'auteur aux mille talents a accepté l'invitation du festival et livre pour une première fois son texte toujours au sommet des palmarès, un an après sa sortie. Billets, québecentoutelettres.qc.ca. Québec en toutes lettres, un rendez-vous toujours aussi chaleureux. Plus que jamais, la santé de tous est entre nos mains. Sur mon cellulaire, l'application Alerte COVID m'avise si j'ai été en contact avec une personne déclarée positive récemment. Du bout des doigts et dans le respect de ma vie privée, je peux protéger ma santé et celle de mes proches simplement en téléchargeant l'application Alerte COVID. Rendez-vous dès maintenant sur québec.ca/alerte-covid pour obtenir plus de renseignements sur l'application et apprendre comment la télécharger. Un message du gouvernement du Québec. CKRL. Communication. Culture. C'était les Norvégiens de Fatal Fusion avec la pièce Co-Vadimus de l'album Dissonant de Main. C'était précédé de Logos et de Evan Carson. Et c'est déjà le dernier bloc en ce qui nous concerne. On va terminer ça avec Pattern Seeking Animal et du dernier extrait Pre-Ensel Tales. On va attendre Soon But Not Today. On aura aussi un extrait de Steve Hackett, Selling Lud, By the Pound, and Spectral Morning, Live at Hammersmith, et ça vient tout juste de paraître. Et il y aura aussi un autre extrait de Live in Roundhouse par Nick Mason sur ce Full of Secrets. Et cette fois-là, ce sera la pièce Atom Earth Mother. Donc, restez à l'écoute pour l'émission L'Autoroute qui suivra tout de suite après. Bonne semaine à tous. Maybe I should contemplate the things in life that I regret. I past will follow me forever like a face tattoo. I wish I'd known back then before my best years slipped away. Unexpected lightning struck a second time, I swear. Another sign, another scare, a melting cosmic debt. That one. Thank you.